Et pour l'instant, bien, c'est Raymond Poirier. Encore une fois, des fois, quand il nous parle, faut comme voir pour comprendre derrière, entre autres, les big data. Mais pour l'instant, c'est pas de ça qu'on va parler dans sa chronique TI. Bonjour, Raymond. Bonjour Tania. Mais là, au moins, c'est un peu plus concret. Tu nous parles de Wikipédia. Exactement, je me suis dit un sujet léger pour alterner. On en a fait quand même des lourdes et denses dans les dernières semaines. Alors, sujet un peu plus léger, c'est inspiré d'un côté par des recherches qui sont menées à l'Université Laval, mais d'autre côté par un article sur lequel je suis tombé au fil de ma veille sur le MIT Technology Review, qui se pose des questions, comme beaucoup de gens d'ailleurs, sur la question du déclin de Wikipédia. Donc, où en est-on autour de ce site, autour de l'évolution de ce site-là? Ça décline? Ça décline en termes de participation, en fait. Et évidemment, ça reste toujours un objet de référence quand même assez important, même si au niveau crédibilité, il est critiqué par différentes instances, notamment par différents corps d'enseignement un peu partout dans le monde, évidemment, sur sa fiabilité. On peut pas le citer dans un travail universitaire. On peut pas le citer. On peut pas le citer pour une raison très simple, c'est parce que il est développé de manière anonyme, dans la mesure où on ne sait pas qui a écrit les articles qu'on lit. Évidemment, on parle aussi d'une anonymité qui vient dans un groupe de contributeurs. Dans le fond, plusieurs personnes peuvent intervenir sur une même page. C'est ce qui en fait le défaut dans la mesure académique où on ne sait pas à qui l'on a affaire précisément. Donc, il y a une question de crédibilité des informations qui est dure à mesurer. Par contre, c'est aussi ce qui a été identifié d'ailleurs en amont comme les facteurs de succès d'une certaine manière de Wikipédia. Donc, l'idée de communauté, de famille, d'un groupe de gens qui collaborent, qui travaillent ensemble au développement de cet ouvrage de référence qui est quand même assez imposant. Et de ce fait, on explique ce déclin potentiel par justement le fait qu'il est devenu extrêmement imposant et que, de ce sens, une bonne partie du travail de fond est fait. Donc, les éléments qui doivent se retrouver dans toute encyclopédie s'y trouvent. On a les références historiques, on a des termes, on a des concepts, on a des figures incontournables et autres. Il y a quand même une bonne base, là, quand même pratiquement 1 million d'articles, là, en exagérant un peu, 750 000. Donc, il y en a beaucoup. Et donc, les articles de base s'y trouvent. Ce qui fait que les gens qui interviennent sur les articles, la communauté d'éditeurs de base qui intervient sur les articles, ben, décline à chaque année. Dans la perspective qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de nouveaux à développer, il n'y a pas tant d'articles que ça à ajouter pour compléter l'information de base, et donc les gens s'y désintéressent un peu. Et on se retrouve finalement avec une situation où, bon oui, il y a toujours des articles quand même assez détaillés qui se créent, mais c'est des articles sur les personnages de Pokémon, c'est des articles sur des vedettes cinématographiques de différents types de cinéma. Mais des gens plus ou moins connus, par exemple, je pourrais me faire une page Tania Beaumont de Wikipédia. Tu pourrais. Mais par contre, et là, on rentre un peu dans l'autre élément. Donc, comme on commence à tomber dans des types d'entrées qui sont peut-être un peu plus spécialisées, qui sont peut-être un peu moins connues ou reconnues par l'ensemble de la population, mais d'un côté, c'est qu'on a besoin de gens qui se connaissent un peu bien pour être en mesure de bien analyser l'intérêt de cet article-là et la véracité des faits qui y sont exprimés. Donc, tu dis, oui, je peux me faire une page, mais techniquement, il y a des gens qui vérifient les nouvelles entrées et qui valident à savoir est-ce que c'est une page qui a vraiment un impact sur l'histoire, sur la société, qui mérite d'avoir son entrée. Donc, on peut toujours le proposer, mais si on n'est pas en mesure de démontrer que, oui, effectivement, il y a une raison derrière cette page-là, eh bien, la page va être retirée, tout simplement. Il y en a quand même beaucoup aussi. Et donc, ça s'amène aussi l'autre élément où, dans l'article du MIT Technology Review, ils disent, ben, au bout du compte, ce qu'ils ont besoin aussi, c'est de gens pour faire justement ce type de surveillance-là, au niveau d'articles frivoles qui seraient rajoutés, au niveau d'informations erronées qui seraient ajoutées également aux articles. Donc, il y a des mécanismes de surveillance, d'auto-surveillance de la communauté qui existent, mais encore faut-il qu'il y ait une communauté qui dépasse celle des employés purement de la Wikipédia Foundation pour faire justement cette surveillance-là, surtout dans un contexte où, oui, il y a les quelques centaines de milliers d'articles en anglais, il y a ceux en français, il y a ceux en espagnol et dans toutes les autres langages également. Donc, il y a cette situation-là et ce qui fait justement peut-être le défi pour la Fondation de réussir à garder actifs les gens, à amener des nouvelles personnes aussi à s'intéresser au processus d'édition, au processus de proposition. Et parallèlement, à élargir un peu aussi peut-être ses bases géographiques. Dans l'article, on cite notamment le fait que essentiellement, il y a plus d'articles sur l'Antarctique que sur l'Afrique subsaharienne ou l'Amérique du Sud, dans une certaine mesure. Ouais, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de gens qui vivaient en Arctique versus l'Afrique subsaharienne. Exactement. Et nécessairement, en fait, c'est aussi souvent qu'on est les meilleurs, les mieux placés pour écrire sur nous-mêmes et pour prendre mesure de l'intérêt d'articles qui concernent nos régions. Et ça veut dire, ça, probablement qu'il y a un manque d'intérêt ou un manque de possibilités de la part de communautés dans ces régions-là, de participer au développement de ce projet-là. Je te dirais qu'il y a probablement d'autres priorités là, que de développer leur Wikipédia. Probablement. Oui, quand même. Peut-être petit historique, tiens, allons-y avec ça. Petit survol pour se mettre en contexte. Donc, on parle quand même là, d'à peu près 187 employés qui travaillent à Wikipédia, qui gèrent un peu les mécanismes autour de ce site-là et qui, tranquillement, sont appelés à changer, à se transformer. Il faut dire que Wikipédia au départ, et c'est peut-être un peu ce qui a fait son succès selon des analyses diverses sur lesquelles je suis tombé, où on dit ben c'est resté simple en termes de mécanisme de matrice. C'est un des rares sites web encyclopédiques ou logiciels encyclopédiques qui n'a pas cherché à se développer une technologie unique. Donc, qui a simplement utilisé une technologie qui était disponible, qui était libre, qui était là, et ont plutôt axé sur justement le développement des communautés. Donc, ça a fonctionné. Il y a des moments où il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui collaboraient activement à des articles. On essayait aussi de développer justement un processus d'intégration d'articles et de membership qui était quand même assez simple. On demande peu d'informations, beaucoup moins que pour devenir membre de Facebook, par exemple. Ouais. Et donc, pour donner la possibilité aux gens de proposer des modifications facilement et parallèlement ben aussi de pas nécessairement avoir l'obligation de collaborer sur le long terme. Donc, il y a la possibilité d'aller simplement intervenir sur un petit détail une fois et disent, mais regardez, nous, c'est de ça aussi qu'on s'enrichit. Évidemment, il y a ceux-là, mais il y a ceux aussi qui participent peut-être un peu plus activement sur beaucoup, beaucoup d'articles. Wikipédia a été lancé en 2001 et évidemment, la mission et la nature de l'objet a beaucoup évolué. Ça n'avait pas été pensé nécessairement pour avoir autant d'articles au départ, pour avoir autant d'impact, pour devenir la référence web de départ sur différents types d'informations. Éventuellement, ça a dû aussi être développé. Et il y a toujours eu des débats à l'interne, et c'est peut-être aussi à ça qu'on explique la désaffection des nouvelles personnes pour devenir éditeur sur la nature complexe de l'action de proposer un nouveau contenu. Dans la mesure où il y a des mécanismes, il y a des langages qui sont passablement, de ce que j'en comprends et de ce que j'en ai expérimenté, moins instinctif que sur des logiciels de médias sociaux, que sur des plateformes blog. Donc oui, il y a des interfaces visuelles seulement qui existent, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est poussé de l'avant ou ce qui a toujours été poussé de l'avant non plus. Donc ce qui fait qu'il y a toujours une certaine complexité qui est critiquée par les gens qui font les analyses et qui est justifiée aussi à l'externe par le fait qu'il faut quand même ben, justement se donner des mécanismes qui sont complexes, des surveillances, etc., etc. Mais tu parles d'interface de Wikipédia. Bizarrement, il me semble que quand on consulte une page Wikipédia, c'est pas le site le mieux fait. Il me semble que c'est quand même difficile parce qu'il peut avoir beaucoup d'informations très abondantes et ça devient quand même assez difficile de chercher de l'information quand on a un sujet un peu plus complexe sur Wikipédia. Bizarrement. Mais c'est que c'est pas nécessairement la place non plus pour chercher le sujet plus complexe. Ouais, c'est vrai. C'est... Mais pourquoi dans ce cas on met 10 à 12 pages de contenu en tout cas? En fait, il y a toujours le débalancement classique, on peut dire, avec certains articles qui ont une vingtaine de pages de contenu qui en mériteraient peut-être un peu moins, d'autres qui en mériteraient un peu plus. Je parlais de 750 000 articles tout à l'heure. Ça, c'était en 2005. Donc, évidemment, ça a beaucoup augmenté depuis. Ça, c'est simplement en anglais, évidemment. Donc, on parle quand même d'un grand, grand nombre d'articles de papier. Aujourd'hui, en fait, on parle de 4,4 millions d'articles en anglais, à peu près 23,1 millions au total, si on fait le tour des 286 langues. Évidemment, donc, il y a toujours donc la notion des règles de la surveillance, comme je le disais, avec 23,1 millions d'articles à surveiller. Il faut quand même avoir pas mal de gens qui s'y intéressent. Ouais. Et dans ça, ben justement, les gens qui activement travaillent, et c'est là d'où vient le déclin que je proposais en départ de chronique. En 2007, on a atteint le sommet de participants actifs, donc de gens qui collaborent, qui analysent, qui surveillent, qui participent vraiment énergiquement à cette plateforme-là. Il y en avait à peu près 51 000. Et aujourd'hui, l'été dernier, en fait, ils étaient à 31 000. Ah, quand même. Là. Quand même, oui. Ouais. Donc, on en a perdu 20 000 en 5 ans de gens actifs. Et ça veut dire, au bout du compte, que les gens qui étaient actifs ne sont pas nécessairement remplacés. Donc, de quelle manière on peut réussir pour éviter, justement, le déclin de la valeur, peut-être, de cette plateforme-là, à renouveler les gens qui s'y trouvent? Selon certaines analyses, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça passe peut-être par des interfaces peut-être un peu plus faciles. Est-ce que c'est trop difficile d'intervenir pour une première, une deuxième, une troisième fois? Est-ce que ça demande trop d'efforts? Est-ce qu'au contraire, c'est bien que ça demande certains efforts pour s'assurer que la personne qui veut faire le changement va un réel changement à proposer? Parce qu'on fait pas nécessairement des heures de démarche pour mettre un graffiti, ce qui était un problème à une certaine époque aussi. Donc, il y a tout ça, outre le régionalisme à développer également à l'intérieur de ça. Alors, c'est un peu là où est Wikipédia présentement, avec les débats autour de l'éditeur visuel, avec ce type de problème-là, avec des problèmes aussi liés à la structure qu'on commence à qualifier dans certains rapports d'analyse comme étant peut-être un peu plus bureaucratique, donc une culture bureaucratique qui serait développé autour de Wikipédia, presque labyrinthique selon certaines analyses, donc ça donne pas nécessairement envie non plus de sauter à pieds joints pour y collaborer. Donc on a l'impression que les politiques sont un peu complexes à comprendre, parfois aussi ben la gestion du changement est peut-être aussi un peu complexe, encore là pour quelqu'un qui vient d'y arriver. Elle peut peut-être être lassante pour quelqu'un qui y est depuis longtemps. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question d'intérêt, par exemple? Parce que je pense que Wikipédia, l'intérêt au début, c'était le fait qu'on pouvait nous-mêmes ajouter du contenu, alors que là, les sites et les pages web se sont aussi multipliés. Alors peut-être qu'on voit peut-être moins l'intérêt justement de remplir le site ou... Ben en fait, la grande question qu'on peut toujours se demander, c'est outre des tâches peut-être plus de surveillance, de maintien, de suivi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ajouter à Wikipédia? Est-ce que avec les 23 millions d'articles, avec les 4 point quelques millions d'articles en anglais, est-ce qu'on en est arrivé à une encyclopédie complète? À quel moment on devrait mettre le point final dans une langue sur des articles, outre des phénomènes peut-être ou des éléments à rajouter au niveau politique, historique et autres, mais à un certain point, la notion de nouveauté incontournable amincit. Donc, au-delà aussi, justement ouais. des zones géographiques spécifiques, il y a peu de nouveau à ajouter dans une certaine mesure où il n'y a rien d'incontournable à ajouter. Donc, ce qui fait que tout ce qui est à proposer, dans une certaine mesure, est aussi à discuter. Mm-hmm. Donc, il y a toujours ce défi-là. Évidemment, ça reste un paradoxe de ce côté-là. Donc, est-ce que c'est possible de développer des contenus? Est-ce que c'est possible, de ce fait, de développer des maintenances aussi qui sont liées à ces contenus-là? Est-ce que éventuellement il y aurait un intérêt aussi à rendre peut-être Wikipédia un peu plus adéquat pour le contexte scolaire? Est-ce que les gens de la recherche devraient s'y impliquer un peu plus? Est-ce que ça peut devenir... Est-ce qu'un outil comme Wikipédia peut devenir un outil de transmission de l'information dans un contexte professionnel crédible, dans un contexte scolaire crédible? C'est une question qui est quand même assez intéressante. Ouais. Et j'ai presque envie, pour finir la chronique, de faire le saut justement avec le monde de la santé. Donc, il y a quand même l'information médicale qui s'y trouve. Il y a un chercheur à l'Université Laval qui s'appelle Patrick Archambault qui a fait une étude de 111 études, en fait, une étude d'études, consacrée à des wikis qui renferment des informations sur la santé. Donc, des wikis un peu, donc des plateformes collaboratives à l'image de Wikipédia et même de Wikipédia aussi, évidemment. Et les observations qui ont été effectuées par l'équipe de médecins et de chercheurs notent que 50% des étudiants universitaires en sciences de la santé ont recours aux wikis. Et de manière générale, en fait, donc, c'est les étudiants donc, qui sont les plus grands utilisateurs de ça. Mais l'autre question, c'est que c'est l'information de qualité quand on tombe dans de l'information spécialisée. Donc, de manière générale, les conclusions montrent que les wikis ne sont pas toujours omniscients, n'ont pas toujours le bon savoir et le savoir imbu. Il y a 44% des études analysées qui jugent que les informations sur la santé véhiculées par les wikis sont partiellement fiables et devraient être améliorées. Il y en a 28% que c'est du contenu qui est tout simplement pas fiable et qui ne devrait pas être utilisé. Et pourquoi? Ben, c'est à cause de l'absence de modérateurs experts, parce qu'il n'y a pas un médecin qui s'installe, qui vérifie la crédibilité des informations de santé qui sont là, parce que ça demanderait quand même un effort assez important aussi de bien le faire. Donc, de quelle manière, dans un contexte professionnel, dans un contexte académique, on pourrait bonifier Wikipédia pour le rendre vraiment utilisable dans ces contextes-là. Est-ce que ça vaudrait la peine? Comme c'est déjà de l'information qui est utilisée de manière générale et que ça risque d'être difficile de renverser la tendance. Donc, c'est quand même des belles questions pour des chercheurs aussi à se poser. Si les gens veulent avoir d'ailleurs un peu plus d'informations sur l'étude du professeur Archambault, en page d'accueil sur le site de l'ITIS et dans les nouvelles du mois ou du mois dernier, on a quelques références là-dessus, donc sur itis.ulaval.ca. On retrouve aussi les chroniques qu'on fait ensemble. Exactement, donc dans notre section chronique radio, et aussi un peu d'informations sur notre conférence de demain, 11h30 à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins, sur le moulin à images, les défis technologiques et techniques, donc à 11h30, entrée libre. C'est un rendez-vous. Raymond Poirier, on se retrouve la semaine prochaine. Sans faute.